Chapitre 24, page 177, exercice 5. 1. À vrai dire, on ne sait pas pourquoi cela se passe de cette manière. Il faudra faire de nouvelles expériences pour comprendre ce phénomène. 2. Nous ne sommes encore sûrs de rien. Nous essayons ce nouvel appareil, mais nous ne savons pas encore s'il sera fiable ou non. 3. La découverte de cette molécule est fondamentale et ouvre de belles perspectives thérapeutiques. 4. Pour cette découverte, je dois reconnaître qu'il y a une part de hasard et une part de flair.